Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Sotchi est à Poutine ce que Saint-Pétersbourg fut à Pierre le Grand. Voilà ce que clament les turiféraires du nouveau tsar. Une ambition que n'est pas loin de partager lui-même, le président russe, qui n'a cessé de s'impliquer personnellement dans ces Jeux olympiques de la démesure qui battent tous les records. Et ici, je ne parle pas de sport. Jamais en effet, dans l'histoire de l'olympisme, des Jeux d'hiver n'ont coûté aussi cher, mais jamais non plus. Ils n'ont alimenté une telle corruption, donné lieu à la mise en place d'aussi drastiques mesures sécuritaires, mais également suscité autant d'inquiétudes. Car le Caucase, en dépit des déclarations rassurantes des autorités de Moscou, reste un brûlot où les attentats sont toujours quasi quotidiens. Mais, bien sûr, le Kremlin se garde de les évoquer, sauf quand les métastases terroristes qui se développent hors du Caucase produisent leurs funestes effets, comme par exemple à Volgograd à la fin de l'année dernière. Monsieur X, qui nous a souvent parlé de cette partie agitée du monde, fait le point et révèle la face cachée de ces Jeux olympiques qui font les beaux soirs de nos écrans. Rendez-vous avec X. Je voudrais commencer par un fait récent qui apparemment n'est pas directement lié aux événements du Caucase, mais seulement apparemment. Mais de quoi s'agit-il alors ? De l'expulsion de Russie à la mi-janvier 2014 et pour une durée de 5 ans d'un journaliste américain, du jamais vu depuis la fin de la guerre froide. Et qui est ce journaliste-là ? David Satter, un ancien correspondant du Financial Times en Russie. Il était le correspondant de Radio Free Europe. Ah, ça, c'est une radio financée par les autorités américaines. Hein. En effet, oui, dont les liens avec la CIA, au moins dans le passé, n'ont jamais été un mystère. Ce Satter, un très bon connaisseur du pays, a publié en 2003 un livre-enquête très fouillé sur les attentats qui ont ensanglanté la Russie de 1999. Des attentats attribués aux Tchétchènes qui ont provoqué en tout cas des dizaines de morts. Et qui ont permis à Poutine, alors Premier ministre, de déclencher la deuxième guerre de Tchétchénie en prétextant l'indispensable lutte contre le terrorisme islamiste. Ouais. Et en surfant surtout sur sa nouvelle popularité afin d'emporter l'élection présidentielle. Parfaitement. Or, vous le savez, puisque nous en avons parlé ensemble, ces attentats ont donné lieu à de nombreuses interrogations. Vous avez même laissé entendre que le FSB, le service de sécurité intérieure héritier du KGB, avait été impliqué dans l'exécution de ces actes criminels. Le FSB, dont Vladimir Poutine était encore le patron, quand Boris Eltsine en a fait son premier ministre. Alors de là, imaginez que ces attentats auraient été le levier qui a permis à Poutine de conquérir le pouvoir. Exactement. C'est ce que pensait aussi Livinenko, l'ancien officier du FSB qui a fui la Russie et a été empoisonné à Londres, souvenez-vous. Alors, je reviens à cette heure. Dans son ouvrage, le journaliste aboutit aux mêmes conclusions et affirme que les attentats de 1999 n'ont pas été perpétrés par des terroristes tchétchènes, mais ont été secrètement exécutés avec le concours d'agents du FSB. Or, son livre, publié aux États-Unis en 2003, venait d'être traduit et de paraître en Russie. David Satter est donc devenu aussitôt indésirable. Et c'est pourquoi je vous disais que son expulsion était indirectement liée aux événements du Caucase. D'autant qu'au moment où le maître du Kremlin savoure la gloire d'avoir réussi à organiser ces Jeux olympiques pharaoniques, il n'est pas question de lui gâcher sa fête avec ses vieilles histoires. Ouais. On a même dit qu'il s'agissait des JO de Poutine. Ah oui, parce qu'il en fait une formidable opération personnelle de communication. Ouais, Sochi, c'est lui, quoi. Et c'est vrai qu'il a tout fait d'abord pour obtenir du Comité olympique international que Sochi soit choisi et devienne ensuite, selon ses propres mots, le plus grand événement de l'histoire post-soviétique. Rien que ça. Et dans son esprit, ce n'est qu'un début. C'est une véritable offensive russe de grande ampleur qu'il vient de lancer pour l'organisation d'événements sportifs internationaux et prestigieux. Après Sochi, il y aura les championnats du monde d'athlétisme de Moscou. Et en 2018, l'apothéose, le mondial de football. Mais derrière, il y a aussi des objectifs politiques. Ah, évidemment. Le premier, c'est le prestige, le retour de la Russie superpuissance. En même temps, il s'agit de consacrer à Sotchi la suprématie russe sur les anciens États vassaux de l'URSS. C'est la création de cette union eurasienne que Poutine appelle de tous ses voeux. Et enfin, Sotchi doit permettre de mettre au pas les régions musulmanes du Nord-Caucase. Et c'est aussi pourquoi l'organisation des Jeux olympiques a justifié cette incroyable série de mesures sécuritaires dans tout le Caucase. Ce qui n'a pas empêché les terroristes de frapper à Volgograd. Oui, mais à plus de 700 km de Sotchi. C'est pas plus rassurant pour autant. Vous avez raison. Et c'est un point que je vais développer. Auparavant, attardons-nous un instant sur le choix géographique de Sotchi. Bon, je vais vite parce que tous les médias en ont abondamment parlé. Ce qui est d'abord étonné, c'est d'avoir choisi une station balnéaire pour organiser des Jeux olympiques d'hiver. C'est vrai, parce que Sotchi est située dans une zone subtropicale où il neige rarement. Mais la ville se trouve au pied du massif du Caucase. En tout cas, les opposants à Poutine ont eu beau jeu de critiquer ce choix coûteux. On vient pas loin de 40 milliards d'euros. Oui, parce qu'il a fallu tout créer, tout construire, Boris Nemtsov. Un ancien vice-premier ministre de la Russie a même établi quelques parallèles avec d'autres épisodes de l'histoire nationale russe. Il a comparé les travaux de Sotchi au programme fou de Nikita Khrouchtchev qui voulait planter du blé dans la Russie arctique. Ou encore au projet de Léonine Brejnev qui entendait détourner les fleuves sibériens. Entre parenthèses, c'est ce même Nemtsov qui a publié un rapport où il affirme qu'entre 10 ou 15 milliards d'euros ont été détournés à l'occasion des travaux. Oui, mais détournés par qui? Des parrains locaux et des entrepreneurs proches du régime, même très très proches, car Sotchi est la chasse gardée du Kremlin, égard à ceux qui déplaisent à son maître. Ah bon, par exemple? Un certain Akhmet Bilalov, vice-président du comité olympique russe, était l'un des maîtres d'œuvre du projet. En février 2013, Poutine lui a violemment reproché des retards sur le chantier. Eh bien, ça n'a pas traîné. Bilalov a été démis de ses fonctions. Le parquet russe l'a inculpé d'abus de pouvoir et il a dû fuir la Russie en toute hâte. Le fait du prince, donc. Autre raison pour expliquer le choix de Sotchi. La ville est située à seulement 25 km de l'Abkhazie, dont Poutine a déclaré unilatéralement l'indépendance à la fin de la guerre russo-géorgienne, d'août 2008. L'Abkhazie qui est devenue dans les faits une sorte de colonie russe. Mais Poutine a aussi profité de cette guerre pour consolider ses positions dans la région en y installant des bases militaires en Abkhazie. Mais aussi en Ossétie du Sud, autre région caucasienne arrachée à la Géorgie. Et enfin, et j'en aurais fini avec cette question, le choix de Sotchi, station balnéaire favorite des dignitaires de Staline à Poutine, a aussi une signification symbolique. C'est-à-dire ? Krasnaya Polyana, située près de la station de ski, aménagée à grands frais et qui n'est skiable que grâce à l'apport de centaines de milliers de mètres cubes de neige artificielle, est un lieu emblématique pour les nationalistes russes. C'est en effet le site de la bataille qui a mis fin à la conquête du Caucase en 1864. Et ça a été aussi le début de la déportation des différentes tribus tchèques qui y vivaient. La déportation est parfois la disparition pure et simple de certaines d'entre elles. Alors, question essentielle, ces Jeux olympiques de Sotchi peuvent-ils être menacés par le terrorisme islamique qui sévit dans le Caucase ? Et quelle est la réalité de cette menace ? Pour répondre, il faut faire un tout petit retour en arrière. Rassurez-vous, je ne vais pas remonter trop loin. D'autant que nous avons déjà abordé cette question il y a 4 ans. C'est à partir de 2005 que ça s'est gâté. Essentiellement à cause du conflit russo-tchétchène. Qui a donc débordé. Tout à fait. Parmi les petites républiques du Nord-Caucase, c'est surtout le Daghestan qui a connu et connaît encore le plus de violence. Mais la situation est également instable en Ingouchie et en Ossétie du Nord. Tout le monde a encore en mémoire la tragédie de Beslan. La prise d'otage dans une école qui a causé la mort de plusieurs centaines d'enfants. On pourrait aussi parler de la Gabardino-Balkarie. En fait, c'est tout le Caucase Nord qui est devenu pour la Fédération de Russie une grande zone d'insécurité. Alors, les raisons, outre le débordement de la question tchétchène, je simplifie bien sûr, il y a d'abord la corruption croissante des élites locales qui s'appuient sur le système clanique traditionnel. Il faut y ajouter l'interpénétration de la police locale et du crime organisé, et donc l'existence d'une véritable économie de l'ombre. Et surtout, on y observe une islamisation galopante et l'apparition de groupes islamistes violents. Lié à Al-Qaïda ? C'est bien entendu ce qu'a prétendu Moscou pour justifier sa politique de répression à outrance. Pour compléter le tableau, il faut dire aussi que ces républiques sont aussi parmi les plus pauvres de la Fédération russe et qu'elles vivent sous perfusion de Moscou. Mais ces dotations fédérales sont souvent consacrées à la lutte contre le terrorisme et sont bien sûr siphonnées sur place par les hommes au pouvoir. Enfin, et j'en aurais terminé avec ce préambule, la question du Caucase est devenue, à la fin 2008, une pomme de discorde entre Medvedev et Poutine. Et Medvedev qui est alors le président. Et Poutine, son premier ministre. Plus largement, leur désaccord est l'expression de l'opposition entre les deux clans du Kremlin. Les libéraux, ou Siviliki, contre les Siloviki, les hommes des services de sécurité. Et fin 2009, c'est Medvedev qui a la main. Lors de son allocution annuelle devant les députés, il annonce la création d'un poste de super-consul du Caucase, et donc celle d'une nouvelle région administrative qui regroupe 6 des 7 républiques du Nord-Caucase, des républiques qui étaient jusque-là rattachées à la région sud de la Russie. Et cet homme ne sera ni un militaire, ni un gradé des services, ni un apparatchik pur, mais avant tout un businessman. Réaction de Poutine Il semble approuver. Car il déclare qu'il vaut mieux appuyer la reconstruction économique que l'emploi de la force. Sotchi et Poutine, c'est une histoire ancienne. Si j'en crois le journaliste Régis Janté, auteur d'un récent ouvrage « Poutine et le Caucase ». Extrait. C'est une région où M. Poutine aime à venir en villégiature, comme beaucoup de dirigeants russes et soviétiques avant lui. Un peu trop, lui reprochent certains. En août 2000, il n'interrompt pas ses vacances à la résidence présidentielle d'été à Sotchi, alors que les 118 hommes du Koursk meurt au fond de la mer de Barents après qu'une explosion a endommagé le sous-marin, certes, mais aussi du fait d'une opération de secours conduite lamentablement. Ces dernières années, M. Poutine s'est même fait construire un petit Versailles de 12 000 mètres carrés dans le village de Praskoïevka, à Gelendzhik, avec vue sur la mer Noire, colonnades en nombre, dorures partout, jardins à la française. Le Kremlin nie qu'il appartient à M. Poutine, mais des témoins ont dit avoir vu plusieurs fois le chef de l'État visiter le chantier en construction. Le superconsul du Caucase est nommé en février 2010. Et c'est effectivement un industriel, Alexandre Kloponin, qui avait précédemment dirigé le géant métallurgique Norilsk Nickel, avant d'être nommé gouverneur de la région sibérienne de Krasnoïarsk. Précision, il dépend à la fois du président et du premier ministre. De Medvedev et Poutine. Donc. Et il a un rang de vice-premier ministre au sein du gouvernement. Et c'est donc que Medvedev accordait une grande importance à la situation caucasienne. Et qu'il espérait un apaisement en pratiquant une politique de dialogue. Le but étant de combler le fossé entre les communautés salafistes et les chefs de l'islam traditionnel de la région de tendance soufie. Mmh. Et pratiquement, alors qu'est-ce que ça a donné ? Les autorités du Daghestan, de l'Ingouchie et de Karachevo-Tcherkessie ont engagé les leaders salafistes modérés à travailler au sein de commissions destinées à aider les repentis de la rébellion et à réhabiliter les combattants. Et effectivement, au début 2011, ça a commencé à produire des résultats. Le niveau de violence a baissé, en particulier au Daghestan, sous la présidence de Magomedsalam Magomedov. C'est si vrai qu'on a pu parler du modèle daghestanais. Ouais, c'est une particularité, alors. Au lieu d'éradiquer par la force l'islam fondamentaliste, on a essayé d'intégrer ses partisans et donc de les inciter à abandonner la rébellion armée. Bref. Tout le contraire de ce qui avait été pratiqué en Tchétchénie. Oui, mais alors est-ce que pour autant, on a dit que ça avait un peu baissé la violence, mais est-ce que les attentats, eux, ont cessé ? Non. Et malgré cette nouvelle politique, certains ont été meurtriers. En mars 2010, deux kamikazes femmes se sont fait exploser dans le métro de Moscou. Il y a eu 37 morts. Mmh. Et qui se trouve derrière, là ? Un homme dont nous allons beaucoup reparler, Doku Umarov. Un rebelle tchétchène qui a abandonné la lutte pour l'indépendance tchétchène au profit du combat djihadiste dans toutes les républiques musulmanes du Caucase russe. Et bientôt, il va d'ailleurs s'auto-proclamer émir du Caucase. Déjà, en décembre 2009, il a revendiqué l'attentat contre le train russe, le Nevsky Express. Bilan, 26 morts. Et il avait publié un texte menaçant d'étendre le djihad sur le territoire russe afin d'affaiblir l'économie du pays et l'empêcher d'utiliser le Caucase comme une base d'extraction de ses matières premières. Ouais, c'est donc devenu l'ennemi numéro un de la Fédération de Russie. Et jusque-là, il court toujours. Mais ce n'est peut-être pas si étonnant que cela. On murmure qu'il bénéficierait de complicité au sein des forces intérieures russes. Le FSB ? Pourquoi pas ? Le FSB, je vous l'ai dit au début de cet entretien, a été mêlé à beaucoup d'affaires louches. Enfin, je reviens sur cet attentat dans le métro de Moscou. Umarov en revendique la responsabilité et il avertit. Les habitants de la Russie ne vont plus observer calmement à la télévision ce qui se passe dans le Caucase. Ouais. En tout cas, ça signifie que les efforts d'apaisement de Medvedev ne sont pas vraiment récompensé. Et c'est sans doute pourquoi, en septembre 2010, la Douma, c'est-à-dire la Chambre des députés, adopte une loi préparée par le FSB. Le FSB, encore une fois. Et de quoi s'agit-il ? Oh non, pas tant de lutter contre le terrorisme que de tout faire pour ne pas en parler. Ah oui, bref, on cache la poussière sous le tapis. Oui, c'est à peu près ça. La nouvelle loi limite la couverture médiatique des faits liés au terrorisme. Les autorités, par exemple, restreignent considérablement l'accès aux informations portant sur la situation dans le Caucase et l'activité des forces de l'ordre. Mais lorsque des attentats sont commis hors du Caucase, il est impossible de les dissimuler. Ainsi, cette terrible explosion en janvier 2011 à l'aéroport Domodedovo de Moscou qui fait des dizaines de morts. Le pouvoir essaie un temps d'en attribuer la responsabilité aux Géorgiens. Oui, les ennemis de 2008. Hein, ah oui, ouais. Les culs noirs, comme les appellent certains Russes. Oh, c'est une expression raciste utilisée aussi pour tous les habitants du Caucase. C'est exact. En tout cas, en ce qui concerne l'attentat de Moscou, Oumarov ne tarde pas à le revendiquer. Enfin, là, je vais vite. Hein. Au printemps 2012, Poutine revient. Il n'était jamais vraiment parti. C'est vrai. Alors, nouveau tour de passe-passe, il remplace Medvedev. Et celui-ci fait de même. Docilement, oui, alors qu'on aurait pu croire que leur différence de ligne politique les conduirait au divorce. Quoi qu'il en soit, dès qu'il retrouve son fauteuil de président, Poutine montre ses muscles. C'en est fini des pratiques conciliantes dans le Caucase. Alors, le dialogue entamé est interrompu. Et toutes les commissions de réhabilitation sont dissoutes. C'est le retour de la répression. Et en particulier au Daghestan, où on procède à des arrestations massives dans les mosquées, les cafés, ou simplement dans la rue. Les forces de sécurité agissent comme les Israéliens lors des intifadas. Les présumés rebelles sont enlevés et les maisons de leurs proches sont détruites. Et est-ce que ces gens, coupables ou pas, sont jugés ? Non, on les laisse croupir en prison et déjà il est clair qu'ils ne seront pas relâchés avant la fin des Jeux Olympiques. Il n'y a donc aucun procès. Et quand les commanditaires des attentats sont identifiés, on préfère les liquider que les juger. Oui, c'est plus discret. Hein. Ça permet d'éviter de mettre en lumière les connivences qui existent entre les autorités locales et les terroristes. Mais la rançon de cette féroce répression, c'est qu'elle provoque la radicalisation des jeunes et finit par alimenter le terrorisme. Ouais, de nouveaux attentats, donc. Au Daghestan, il y en a presque un tous les jours. Mais et c'est aussi une conséquence de cette politique brutale. La violence gagne maintenant le long de la Volga. Alors, et plus seulement au Caucase proprement dit. Hein. Ah, pourtant, si j'ose dire, le Kremlin met le paquet. En matière de communication, d'abord, les opérations spéciales des forces de sécurité sont montées en épingle. Et l'argent coule à flot pour les services chargés de la répression, spécialement le FSB. Mais c'est souvent en vain, car les responsables de ces services sont bien plus préoccupés d'assurer leur maintien en place que de lutter efficacement contre les terroristes. Toutefois, au début de 2013, Moscou semble infléchir sa politique. C'est-à-dire l'abandon de la répression ? Non, bien au contraire. Le mot d'ordre officiel, c'est désormais l'éradication de la corruption et donc le démantèlement des clans. Et ça commence par le limogeage du président du Daghestan, Magomedov, qui est remplacé par un homme plus à l'écoute de Moscou. Mais alors, qu'est-il reproché, là, à ce Magomedov ? Eh bien, il est jugé trop proche de la hiérarchie clanique et donc de la mafia. Mmh. Vrai ou faux ? Sans doute vrai. Mais c'est pourtant lui qui a tenté d'instaurer un dialogue avec les rebelles et a été installé par Medvedev dans une perspective d'ouverture et de dialogue. Et s'il n'avait pas réussi à éradiquer la violence, il avait quand même obtenu une baisse sensible des homicides liés à la rébellion. Dans la foulée, la Douma annule l'élection au suffrage universel des responsables régionaux dans les républiques du Caucase. Ah, ils seront donc maintenant directement nommés par le pouvoir central. Directement, effectivement. Et toujours dans le même esprit, en juin 2013, on assiste à une spectaculaire arrestation. Saïd Amirov, le maire depuis 1998 de la capitale du Daghestan. Makhach Kala est mis sous les verrous. Pour quelle raison ? Je vous explique tout de suite. Mais je dois d'abord vous dire que cet Amirov est un personnage peu ordinaire. On l'appelle le Roosevelt sanguinaire, car il se déplace en fauteuil roulant après avoir perdu ses jambes dans un attentat. Ouais, Roosevelt, à cause du fauteuil roulant, je comprends, mais sanguinaire, pourquoi ? Sans doute à cause de ses méthodes radicales, mais aussi parce qu'il a échappé à pas moins de 14 attentats. En fait, Amirov, personnage respecté, sinon respectable, était le parrain régional. C'est lui qui recevait les subsides de Moscou et les distribuait selon son bon plaisir. Mais en cela, il n'était guère différent des autres chefs de clan du Caucase. Non, manifestement, en l'arrêtant à l'occasion d'une véritable opération militaire, le Kremlin a voulu adresser un message de fermeté en direction des parrains régionaux. Mais encore, fallait-il justifier cette arrestation ? Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Quelques détails sur ce Saïd Amirov. Je les ai trouvés dans un article de la correspondante du Monde à Moscou, l'excellente Marie Jégot. Élu maire en 1998, le vieux sage aux cheveux blancs, costume de bonne coupe et mains manicurées, s'est entouré d'une garde personnelle armée jusqu'aux dents. Deux fois par jour, lorsque son cortège d'une dizaine de voitures blindées traversait la ville, les rues étaient bloquées. Pour faire bonne mesure, il veilla à équiper le centre-ville de trottoirs et de passages accessibles aux invalides, faisant de Makhatchkala, secouée par les attentats et les opérations spéciales contre la guérilla islamiste, la seule ville de Russie bienveillante pour les personnes à mobilité réduite. En avril 2010, le maire avait reçu l'envoyé spécial du Monde autour d'une tasse de thé pour lui vanter les mérites de son projet immobilier baptisé Côte d'Azur, soit la construction d'une ville high-tech sur les bords de la Caspienne par des sociétés chinoises avec plusieurs milliards de dollars à la clé. Le projet n'a pas pris, mais les affaires du maire sont florissantes. Lui et son clan ont investi non pas au Daghestan, miné par la guerre civile et le chaos, mais dans des territoires russes du Nord-Caucase plus sûrs. Alors de quoi a-t-on accusé Saïd Amarov ? Il faut d'abord observer que ce puissant parrain est membre du parti Russie Unie. Ah, c'est le parti de Poutine, ça. Sans doute espérait-il que ça lui servirait de viatique. Mais ça n'a pas suffi. Cependant, on l'a quand même laissé tranquille pendant de longues années. Alors, l'accusation ? Eh bien, Amarov a été mis en cause dans une affaire parfaitement représentative de la situation dans le Nord-Caucase. Arsène Gadjibekov était responsable du comité d'enquête, une sorte de FBI à la russe. Il s'était donné pour tâche de mettre au jour la collusion entre les politiques locaux, le crime organisé et les rebelles. Il avait en particulier démasqué la bande dite des procureurs. Ah ben ça mérite une explication. Cette équipe regroupait le préfet de la capitale, des commissaires de police et des employés du parquet, tous impliqués dans le trafic de drogue et même dans plusieurs affaires de meurtre. Or, en décembre 2011, cet enquêteur, trop curieux, a été assassiné par un policier, neveu d'un procureur. Et Amarov alors ? Il a été accusé d'être le commanditaire de l'assassinat. Et en frappant ce personnage le plus riche et le plus puissant du Daghestan, Poutine, à l'évidence, a voulu montrer que nul n'était à l'abri. Au moins avant et pendant les Jeux Olympiques. Ah oui, parce qu'après... On verra bien. Ouais. Mais à mon avis, c'est essentiellement affaire d'étalage, car il existe des liens quasi inextricables entre les boïviki, c'est-à-dire les rebelles, et les fonctionnaires et policiers gradés. Certains observateurs vont même plus loin, car ils estiment que les combattants islamistes sont financés par les milieux d'affaires et les hauts fonctionnaires de l'administration et de la police. Alors oui, bénéficient de l'impunité. Et de protection. Mais dans la perspective des Jeux Olympiques, il fallait faire un exemple. Et c'est tombé sur Amarov. C'est ce que je pense. Mais au fond, rien n'a changé. Et d'abord parce que la République du Daghestan est devenue une zone de blanchiment de l'argent sale pour toute la Russie. J'ai lu, je ne sais plus où, que 200 kilos d'argent liquide sont transportés quotidiennement par avion de Moscou vers le petit Daghestan, où l'on compte par ailleurs un nombre anormalement élevé d'établissements de crédit. Alors au fond, la situation insurrectionnelle permanente qui persiste au Daghestan et dans les autres républiques caucasiennes arrange beaucoup de monde. Et jusqu'au sommet du pouvoir, parce que ça permet la continuation de tous les trafics possibles. Alors maintenant, voyons la suite sur le terrain. En juillet 2013, donc un mois après l'arrestation d'Amarov, l'émir du Caucase, ou prétendu tel, Douko Oumarov, relance la guerre en mettant fin à un moratoire qu'il avait décrété un an plus tôt. Et ça pourrait avoir un rapport avec l'arrestation du parrain du Daghestan ? C'est très possible, parce qu'Amarov était un parapluie bien confortable. En outre, cette ingérence de Moscou dans les affaires du Daghestan ne pouvait que heurter les nationalistes. En tout cas, Oumarov ne fait pas mystère de ses ambitions. Il demande à ses combattants de faire échouer les Jeux Olympiques de Sotchi par tous les moyens. Comment ça se traduit alors ? En septembre et en octobre, deux bombes sont déposées dans des boutiques mitoyennes de Makhatchkala. Puis, quatre policiers sont tués lors de combats ou d'attentats suicides. Mais ce qui est notable, et que je vous ai déjà annoncé, c'est que le terrorisme déborde, notamment dans la région Volga-Oural, qui est à cheval entre les mondes russes et centre-asiatique. Quel est le peuplement de cette région ? Oh, il est très divers, car son histoire a été mouvementée. Mais ce qui est remarquable, c'est que cet ensemble qui se rattache historiquement à l'ère culturelle de l'Eurasie centrale est l'autre grande région musulmane de Russie. Et l'on y observe une instrumentalisation de l'islam par les gouvernements locaux qui sont prompts à accuser les 40% de musulmans d'imprégnation wahhabite. Mmh. Bah, c'est aussi l'argument traditionnel de Poutine dans sa lutte contre les terroristes. C'est vrai, c'est vrai. Mais il n'est pas exclu qu'ici ou là, dans ces grandes régions, l'Arabie saoudite n'apporte son soutien aux musulmans tentés par le fondamentalisme. Tout comme dans le Nord-Caucase. Cette progression hors des républiques caucasiennes s'accompagne aussi de l'apparition de nouveaux combattants. Les kamikazes et les poseurs de bombes ne sont plus forcément des personnes originaires du Caucase, mais des Russes ethniques ou des Bashkirs. Les Bashkirs. Oui, un peuple musulman, turcophone, vivant traditionnellement entre la Volga et l'Oural. Autre évolution notable. L'émirat du Caucase, affaibli par les coups de boutoir des forces de sécurité, tente de redorer son blason en profitant de l'aura des combattants caucasiens engagés sur le front syrien. Et contre le régime de Bachar el-Assad. Oui, sous l'autorité d'un Tchétchène nommé al-Shishani. Ces combattants se sont rassemblés au sein de l'armée des migrants et des alliés, ainsi qu'ils l'ont appelé. Et ces combattants, alors, s'ils reviennent chez eux, rejoignent naturellement les troupes d'Oumarov. Et ce sont des hommes aguerris, donc dangereux. Mais je reviens sur cet élargissement du terrorisme hors du Caucase. Fin octobre 2013, une citoyenne russe originaire du Daghestan se fait exploser dans un bus dans la région de Volgograd, non loin de Sotchi. On compte 7 morts, dont la kamikaze. Cet attentat sanglant donne lieu à une curieuse manipulation de la part des autorités. Ah bon, racontez. Après l'attentat, la police présente et diffuse le passeport de la jeune kamikaze, une Russe nommée Naïda Assigalova. Déjà, il est étrange que ce document soit intact, alors qu'en principe, retrouvé sur le corps de la jeune femme, il aurait dû être déchiqueté, sinon détruit. Oui, par la violence de l'explosion. Bien sûr. Mmh. Autre bizarrerie sur la photo du passeport, la jeune femme est voilée. Et on a la nette impression qu'il s'agit d'une photo d'identité grossièrement retouchée. Ah oui, pour y ajouter ce hijab noir. Et donc montrer qu'il s'agit d'une islamiste, afin de la déconsidérer un peu plus. Mais comme ce document truqué n'a pas abusé grand monde, un peu plus tard, la police a diffusé un second passeport, le vrai, celui-là, endommagé et pourvu de la photo de la jeune femme, sans voile. Mais c'est quand même de la propagande mal ficelée, non ? En effet. Plus tard, on a appris que la kamikaze s'était mariée avec un tout jeune homme, Dimitri Sokolov, un russe lui aussi. Elle l'aurait rencontré en 2010 et converti à l'islam. Par la suite, Sokolov aurait rejoint le Daghestan en 2012 et participé à plusieurs attentats dans la République. Mais il a été tué en novembre 2013 au cours d'une opération spéciale des forces de sécurité. Alors tous les deux faisaient donc partie là, de ces nouveaux islamistes non caucasiens. Oui, oui. En décembre, 4 rebelles présumés sont tués par les forces de sécurité russes. Et parmi eux se trouve le chef d'un groupe armé soupçonné d'avoir commis des attentats contre des sites touristiques en Kabardino-Balkarie, à mi-chemin entre la Tchétchénie et Sotchi. Conséquence, les terroristes usent de représailles. Ils font sauter une voiture piégée dans la ville thermale de Biatigorsk, à 270 km à l'est de Sotchi. 3 personnes périssent. Ouais, c'est un cercle vicieux. Et ensuite, vous le savez, ce sont les 2 terribles attentats des 29 et 30 décembre. Oui, à Volgograd, l'ancienne Stalingrad. C'est ça. La première bombe explose devant la gare alors que des policiers s'apprêtaient à interpeller une femme suspecte devant le portail détecteur de métro. Oui, elle était munie d'une ceinture explosive. Pas elle, non. Mais un homme qui l'accompagnait et qui a donc actionné cet engin d'une puissance de 10 kilos de TNT. Je vous rappelle qu'on a compté 17 morts et une quarantaine de blessés. Et le lendemain, ça a recommencé. Oui, un nouvel attentat suicide dans un trolleybus en plein centre-ville. Bilan, 14 morts et 28 blessés. Oui, pour le Kremlin, si peu de temps avant l'ouverture des Jeux Olympiques, ces deux attentats sont apparus comme de vraies provocations. Bien entendu, et Poutine en a fait une affaire personnelle, sur un ton qui rappelait son fameux discours de 1999 où il promettait d'aller liquider les terroristes jusque dans les chiottes. Il a promis de retrouver les coupables et de les châtier jusqu'à, a-t-il dit, leur destruction totale. Et en même temps, il a ordonné un incroyable renforcement des mesures de sécurité et déclenché une vaste opération de police qui se terminait par une grande rafle de suspects éventuels et l'arrestation de quelques vrais criminels. Mais l'enquête elle-même, là. Elle a commencé par se dérouler dans la plus grande confusion sur les identités des terroristes. Mais dès le départ, il était à peu près certain que ces actes avaient été commandités par l'émir du Caucase, Doku Umrov. D'ailleurs, son organisation a diffusé à la mi-janvier une longue vidéo de revendications. On y voit même deux présumés terroristes en train de se préparer, tout en fredonnant en russe une litanie sur leur imminent accès au paradis et à ses fruits. C'est sérieux, ça ? Tout à fait. L'un de ces hommes s'adresse directement à Poutine. En ce qui concerne les Jeux Olympiques, nous avons préparé un cadeau pour toi et pour les touristes, afin de venger le sang des musulmans répandus dans le monde entier. Alors, Poutine est donc engagé plus que jamais dans cette affaire des Jeux. Et il joue là à la fois son prestige et celle de la Russie tout entière. C'est pour cela qu'on le voit partout et qu'il tient à tout contrôler lui-même, de visu. Et comme s'il n'avait pas confiance, quoi. Je sais pas. En tout cas, il veut donner l'impression aux Russes qu'il est une sorte de Deus ex machina. Et que, grâce à lui, la nation recouvrera sa fierté. Et parfois, cela confine à la superstition. C'est-à-dire ? Fin décembre, Poutine s'est rendu au chevet des blessés de Volgograd. Au même moment, le patriarche de Moscou a demandé à deux prêtres munis de l'icône miraculeuse de la Vierge aux sept flèches, appelée l'apaisement des cœurs en colère, d'aller tournoyer en hélicoptère au-dessus de la ville martyre durant des heures. Et le plus extraordinaire, c'est que Staline n'a pas agi autrement lors des pires heures de la bataille de Stalingrad. Staline a raconté. À l'automne 1942, il a ordonné à un aviateur de tournoyer au-dessus de Stalingrad avec l'icône miraculeuse de la Vierge de Kazan. À lire Caucase Circus de Julia Latinina chez Babel Noir, un polar foisonnant au cœur de cette région et qui nous en apprend beaucoup sur les liens entre les hommes du Kremlin, le FSB et les puissants clans traditionnels. Premier tome d'une trilogie sur le Caucase. À samedi prochain sur franceinter.fr, vous pourrez, comme d'habitude, communiquer avec nous. Ce programme a été préparé par Rebecca de Nantes, réalisé par Michel Biou avec Basile Mecker et mis en musique, comme d'habitude aussi, par Monsieur Djoub. Et tout de suite, après le flash, on va dans la nature avec Denis Chessou.